Il était une fois un pays merveilleux où les fleurs étaient carnivores, où l'on disait bonjour avec de la chevrotine et où les sauterelles dévastaient régulièrement les vignobles. Bref, cette contrée était si belle que tous ceux qui l'habitaient connaissaient un bonheur parfait. Hélas, un jour, la méchante fée Cara, qui demeurait jusque-là dans le royaume voisin, décida d'émigrer dans notre monde enchanté. Non. Cara était très pas gentille, et elle avait des occupations bizarres. Elle passait la moitié de son temps à cultiver son jardin, car la fée carabine, forcément. La deuxième moitié à manger et manger et manger, et la troisième moitié, Cara lançait de vilains sortilèges très vilains. Car elle avait le pouvoir extraordinaire de transformer quiconque en une personne grosse et méchante comme elle. Fallait briser le sortilège. Que disparaissent, il faut que la fée se mange. Ainsi renseigné, Antoine se rendit chez Cara. Le chevalier attendit la nuit pour s'introduire dans la demeure en question. Là, il trouva la sorcière qui dormait dans son lit. Aussitôt, Antoine sortit de sa besace les condiments les plus divers et en assaisonna la sorcière. Sur ce, il était là. Quoique sans progéniture.